Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets chinois, au 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellette et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs des régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets chinois, au 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-3339. Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeurs d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 88-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates de Saint-Félicien. Veille de la Saint-Jean-Baptiste, Danny Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local avec la nouvelle la plus importante de la journée d'hier. C'est que le golfeur de Chibougamau, Pierre-Alexandre Bédard, a remporté sa première victoire chez les professionnels. Le golfeur natif de Chibougamau a ramené une carte de 67 hier, soit 7 coups sur le normal pour remporter la victoire. Au cumulatif, Bédard a joué 137. Autre nouvelle importante également, c'est que Marie-Ève Drolet a annoncé sa retraite hier. La patineuse native de La Terrière a admis au journal Le Quotidien que ça devenait de plus en plus difficile de concilier entraînement et famille. Marie-Ève Drolet a connu une très très belle carrière. Elle a remporté 35 médailles en carrière et a remporté 2 médailles en 2016-2017. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec William Veilleux. William Veilleux qui a remporté la médaille d'or au championnat du monde de dynamophilie qui s'est déroulé à Minsk en Biélorussie dimanche dernier. Et William Veilleux a mentionné dans un premier temps qu'il était quand même assez surpris de remporter la médaille d'or. On va l'écouter là-dessus. J'ai pas fait d'attente du tout, dans le fond, parce que je savais pas, quand j'allais arriver à Biélorussie, à Minsk, comment l'ambiance, comment que ma performance allait aller. Ça dépend sur plein de facteurs extrêmement mineurs comme majeurs. Mais je suis agréablement sûr. Dans un deuxième temps, William Veilleux a mentionné que ça a bien été en Biélorussie, la préparation avant la compétition. Ben, j'ai été chanceux. J'avais une bonne hôtel. Puis Minsk, c'est une ville assez, quand même touristique. C'est la capitale de la Biélorussie. Fait que moi, je me nourrissais, je me reposais. J'avais un petit training à faire. Je me concentrais sur mes affaires. Je ne stressais pas sur ma compétition. J'étais venu, puis j'allais tout faire pour gagner. C'est tout. OK. Et on sait que le poids décisif qui a permis de remporter la victoire, c'est William Veilleux qui a calvé à 258 kilos et il ne l'avait jamais fait en carrière. Il ne savait même pas qu'il avait 258 kilos à la fin. On va l'écouter là-dessus. Jamais fait? Je l'avais jamais fait. Puis quand je l'ai fait, je savais même pas que j'avais 258 kilos. Ah ouais? OK. J'étais complètement sous l'adrénaline. Je pensais pas. Moi, je savais que mon coach allait me mettre la charge pour gagner. Fait que quand tu savais pas du tout ce que c'était, t'avais 258. Non. Mon coach, en fait, il m'avait dit, bon, là, cette charge-là, ça va être la charge. Si tu lèves, tu gagnes. Ouf. Puis moi, je savais pas du tout. Moi, j'étais sous l'adrénaline au bout. Mais j'étais prêt. Je savais que... En fin de semaine, c'est la 12e édition des régates de Saint-Félicien. Hier, on a reçu Régent Côté, le président de cette 12e édition. Et Régent Côté a mentionné dans un premier temps qu'il y aura quand même beaucoup, beaucoup d'embarcations à la marina de Saint-Félicien. Et on roule au maximum, explique le président des régates. On a le maximum des équipes qu'il peut y avoir. C'est des classes limitées maintenant. On parle de 24 par classe environ dans les catégories 2.5, 2500 et Hydro 350. Il y a deux classes qui sont complètes de 24, donc on parle tout de suite de 48 embarcations. Plus les 2.5, là, sont 12 ou 13, je crois. Et puis, les Grands Prix sont 14 possibles au Canada et aux États-Unis ensemble, tout confondu. Puis, habituellement, on en a une douzaine. Les deux autres, c'est qu'ils sont soit brisés ou soit vraiment une incapacité à se déplacer pour une raison majeure. Et ce qui est intéressant pour les gens qui vont être à Saint-Félicien, la plupart des embarcations qui vont être à Saint-Félicien vont être aux fameuses régates de Valleyfield, explique Régent Côté. Oui, on parle de mi-juillet, on parle aux alentours de fin de semaine environ du, j'imagine peut-être le 15 cette année, fin de semaine du 14-15, ma mémoire est bonne à vérifier, mais habituellement ça tourne aux environs de ça. Et puis, on est maintenant plus qu'un test, on est on est la place, la référence, l'endroit où les coureurs veulent venir. Les chambres, les records de vitesse se battent ici. La révolution, haute révolution, puis les tests à haut voltige, là, c'est pas mal ici. On connaît notre longueur de rivière. On n'est pas limité à l'intérieur d'une baie ou des rives trop proches avec des détours serrés. Ils vont à fond la caisse. On a des détours qui sont larges. On a la longueur qu'on veut. On pourrait leur en donner encore un kilomètre de plus, puis il y aurait de la place à l'air. Maintenant, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, au Deck Hockey s'imprime 5 parties étaient au programme hier. Les Bleuets ont gagné, 12-4 sur les Old Panthers. Vétérans ont battu Intersport 8-6. Le multiconcessionnaire a vaincu les Wings 11-6. DAF 10, Captain Bob 8 et gain des Warriors 9-5 sur les Mixpack. Au soccer, en U12 féminin, gain du FC de Saint-Félicien 4-3 sur Robert-Val. Et au U14 Division 1, triomphe de Saint-Félicien également sur Robert-Val par le pointage de 3-0. En catégorie maintenant U12 masculin en Division 1, à noter que la défaite de Saint-Félicien 5-3 sur le Mistral de Jonquière. Et je termine maintenant avec la Ligue de balle lente de Robert-Val hier. Victoire du Intersport 20-16 contre Pièce de Tourroussel. Le Bar Le Zodiac a défait Saint-Hubert Express 9-6. Et victoire du Garma qui a gagné contre le Megavac 16-2 plutôt. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé évidemment avec le champion du monde de dynamophilie, William Veilleux. On a également parlé avec Marc Fortier. On sait que l'ancien gardien de but des Nordiques de Québec, Sergei Melnikov, est décédé au cours des derniers jours. Marc Fortier vient nous en parler. Hier, c'était le repêchage de la NBA. Pascal Jobin vient d'analyser les meilleurs espoirs. Également, je me suis entretenu avec la chronique du club de golf de Saint-Prime et également de Chibougamau avec Martial Bouchard et Michel Lallemand. Et vous pouvez également écouter l'entrevue avec le président des régates de Saint-Félicien, Régent Côté. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.